écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Ernaux. Antonio Lobo Antunes. Jean d'Ormesson. Lydie Salver. Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Catherine Pontimbert s'entretient avec André Brink, récemment disparu. Voix nue. Toute cette semaine, France Culture rend hommage à l'écrivain André Brink, récemment disparu à l'âge de 79 ans. En 2006, Catherine Pontimbert le rencontrait. Vous parliez hier, André Brink, de votre affinité très forte avec Albert Camus et sa vision de l'homme révolté, vision qui vous a conduit à vous dresser face à l'histoire, à la prendre à bras-le-corps en quelque sorte. Tous vos romans l'attestent, on ne peut raconter une histoire en Afrique du Sud sans que l'histoire avec un grand H n'intervienne. Lorsqu'en avril 1652, des Hollandais débarquent au Cap de Bonne-Espérance, d'où ils chassent les Hottentots, s'ouvrent 3 siècles et demi de conflits et de violence. 3 siècles et demi au cours desquels va se nouer le destin des peuples d'Afrique du Sud. L'histoire de cette terre australe, votre terre, André Brink, que vous aimez d'un amour farouche, s'est forgée dans le rapport complexe de peuples très divers à un même territoire, noirs, blancs, afrikaners, indiens, zoulous, sotos. Et cette diversité humaine a été le limon d'une tragédie pendant plus de 3 siècles. J'ai un peu le sentiment que le très beau titre du recueil de poèmes de Louis Aragon, « En étrange pays, dans mon pays lui-même », pourrait bien s'appliquer à l'Afrique du Sud. C'est un étrange pays que le vôtre, André Brink. Ah oui, étrange, remarquable, drôle, bizarre. Il y a beaucoup d'adjectifs qu'on peut apporter à la description de l'Afrique du Sud. C'est surtout un pays passionnant, parce qu'on ne peut pas vivre au sein de l'Afrique du Sud sans être affecté par ce qui se passe. Il faut choisir tout le temps, il faut se ranger à ce côté ou à l'autre, on ne peut pas rester neutre. C'est pas un pays facile, c'est pas un pays simple à expliquer ou à éclairer, mais c'est certainement un pays qui vous oblige de penser et de repenser la situation humaine et la situation de n'importe qui se trouve à l'intérieur de ce pays. Vous établissez, André Brink, un rapport extrêmement étroit entre écriture et histoire. Je pourrais en prendre de multiples exemples. Je mentionnerai simplement votre recueil d'essais publié en 1999, Retour au jardin du Luxembourg. Dans l'introduction qui est consacrée à ce que vous appelez le fleuve de l'histoire contemporaine de ce pays, vous remontez le cours précisément de cette histoire en redonnant des repères. Il faut sans cesse revenir à l'histoire. Oui, moi je ne peux pas me passer du sens de l'histoire et de la connaissance de plus en plus profonde de ce que c'est que l'histoire sud-africaine. Dès mon enfance, j'étais conscient de la dimension historique qui m'entourait, non pas seulement sur le plan personnel, mais en ce qui concernait ma famille, mon tribu blanc, des Afrikaners. Et dans tous les sens, je ne savais pas et je ne voulais pas m'échapper à cette conscience d'une histoire H capitale qui m'entourait et qui m'obligeait tous les jours de me définir, de me redéfinir, de préciser la position dans laquelle je me trouvais dans cette histoire et dans le territoire géographique qui était formé, qui était déterminé, qui était défini par l'histoire. C'est d'ailleurs un événement qui est devenu depuis une date importante de l'histoire contemporaine de l'Afrique du Sud qui vous a conduit à l'écriture. Le massacre de Sharpeville, vous l'évoquiez hier, en 1960, ça a été peut-être pas le moteur, mais en tout cas le déclic. Ah oui, sans aucun doute. C'était là où, pour moi, toute la prise de conscience a commencé. Et je devais donc toujours retourner à ce point-là, aussi pour élargir, pour étendre tout le temps ma conscience de l'histoire, de ce que l'histoire voulait dire, de ce que voulait dire l'histoire sud-africaine. Parce qu'au début, ce n'était que l'histoire du colonialisme qui m'intéressait, mais de plus en plus, je me rends compte du fait que avant l'arrivée des premiers colons hollandais, suivis par des colons britanniques, il y avait une histoire de milliers d'ans. On parle couramment aujourd'hui de l'Afrique comme berceau de l'humanité. Et c'était donc une vue de l'histoire qui me passionne de plus en plus, afin d'explorer de plus en plus dans mes romans. Ce qui se passait avant l'arrivée des colons et comment cette histoire préhistorique pesait sur la conscience, sur la formation d'une conscience parmi les Blancs et aussi parmi les Noirs, à partir de la première arrivée des colons. Mais est-ce qu'au-delà de l'histoire, votre pays, André Brink, ne touche pas également au mythe, puisque ce pays, je le disais en introduction, a connu bien évidemment des tragédies, mais aussi des concordes, des ententes, de telle sorte qu'on pourrait vraiment le percevoir comme un pays totalement mythique? Ah oui, et c'est ça, là où se trouve quelque chose qui me fascine de plus en plus. Et ce qui est remarquable, c'est bien sûr, si on retourne au début de l'historiographie dans l'Occident, il y a Hérodote. Et si on explore l'histoire, ou même les histoires que raconte Hérodote, là aussi il y a un mix, un mélange de ce qu'on appelle aujourd'hui histoire et mythologie. Parce que pour lui, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Il s'agit d'une conception et de la formation d'une conception des origines de la pensée humaine dans un contexte du temps et de l'espace. Et se rendre compte donc de l'espace mythologique quand on le regarde en face aujourd'hui, c'est aussi retourner aux origines, aux racines de l'historiographie de l'Occident. Si je me rapproche de l'histoire plus contemporaine, André Brink, l'Afrique du Sud pourrait peut-être être une sorte d'incarnation d'un mythe de réconciliation qui serait matérialisé par la commission Vérité et Réconciliation. Elle pourrait l'être s'il n'y avait pas la violence. Mais il y a la violence. Ben oui. Mais ce qui reste remarquable, même miraculeux, au centre de cette expérience, c'est justement que, au cours du processus de vérité et réconciliation, au cours du processus qui menait vers la transition politique et sociale en Afrique du Sud, on a évité des excès de violence que connaissaient pas mal d'autres pays en Afrique et même ailleurs, en Europe centrale et dans l'Amérique du Sud. Donc on a su proposer et poser un exemple pour le monde, comment éviter des excès de violence, bien que, comme vous l'avez suggéré, on connaît même aujourd'hui une violence peut-être croissante dans le pays. Mais il n'y avait pas de révolution sanglante à l'époque même. Il y avait la possibilité de se mettre autour d'une table, de discuter, de négocier, de trouver des solutions, même si ce n'était que des solutions temporaires à cette époque-là. Il me semble que c'est dans Retour au jardin du Luxembourg où vous dites, André Brink, que historiquement le recours à la violence a été un réflexe normale, entre guillemets, en Afrique du Sud. Mais est-ce que la violence ne produit pas aussi une forme de sens? Est-ce que ça n'est pas finalement une sorte de langage? Ah oui, absolument. Et dans une situation telle, la sud-africaine, il y avait pendant très très longtemps la violence, le phénomène de la violence, qui caractérisait le fait que pour la grande majorité des Sud-Africains, donc surtout les Noirs, la violence n'était que la seule façon de s'exprimer. Il n'y avait pas de langage de résistance à cette époque-là. Il n'existait que la violence. C'était donc une articulation de sentiments, d'attitudes, de positions révolutionnaires et anti-apartheid, anti-totalitariens. Pour expliquer, André Brink, le choix pris par une communauté, celle des Afrikaners, d'adopter une politique comme celle de l'apartheid, dont nous parlerons plus en détail demain, je crois qu'il faut vraiment remonter le fil de l'histoire et expliquer peut-être le rôle qui a été celui de l'implantation anglaise en Afrique du Sud et la façon dont les Afrikaners ont vécu cette domination. Oui, parce qu'au début, à partir de 1652, avec l'arrivée des premiers colons hollandais, jusqu'à 1795, avec la première arrivée des Britanniques. Bien sûr, il y avait une domination, une oppression exercée par les Hollandais, qui étaient venus d'abord de la Hollande, mais très tôt, au cours de l'occupation hollandaise, il y avait des colons qui commençaient à se libérer de l'influence directe de la patrie en Hollande et de se voir comme des Africains qui étaient nés, qui étaient formés par la terre africaine et qui commençaient à résister de façon de plus en plus violente, de plus en plus décisive contre les autorités néerlandaises en Hollande, en Amsterdam. Il y avait donc un sentiment d'indépendance, un sentiment de la nécessité de faire ses propres choix. Mais en même temps, oui, ce que je veux dire à partir de ça, il y avait donc une sorte de facilité. Il n'y avait rien de rigoureux dans le système d'exploitation de colonialisme en Afrique du Sud, jusqu'à un certain point. Mais certainement, à partir de l'arrivée des Britanniques, il y avait un système très rigoureux, très dur, qui frappait tous les indigènes et aussi les gens qui parlaient l'hollandais. C'était vraiment l'imposition du régime britannique, des points de vue, des façons de penser, des façons de regarder le monde britannique. Et il y avait donc pas mal de résistance provoquée par ce système organisé de la répression. Et c'était à partir de là que date non pas seulement la plus grande escalation des hostilités, de l'agression entre Hollandais et britanniques, ou Afrikaners déjà et britanniques, mais aussi entre noirs et blancs. Mmh. Parce que il y avait là les débuts de l'apartheid. C'était les Britanniques qui avaient imposé le système de séparer les races, d'imposer une séparation très, très dure, très stricte. Puis je crois qu'il faut insister sur le fait que cette occupation britannique a été, André Brink, pour les descendants des colons hollandais, vécue comme une humiliation. De telle sorte que lorsqu'ils ont remporté les élections, c'était en 1948, c'était une sorte de revanche qu'ils prenaient. Ah oui, parce que on voyait, on percevait surtout les Britanniques comme des impérialistes arrivés d'ailleurs. Parce que pendant qu'à ce moment-là, vers la fin du XVIIIe siècle, les Hollandais, certainement, et beaucoup parmi les indigènes noirs, voyaient les Hollandais comme des gens qui appartenaient plus ou moins à l'Afrique, à la terre africaine déjà. Le mot même, la désignation de africanaire est dérivée de l'Afrique. Ces gens-là, ces blancs-là, pensaient d'eux-mêmes comme des gens de l'Afrique. Et ils faisaient une distinction entre ceux qui étaient nés en Afrique et ceux qui étaient venus de la Hollande. Et au cours du 19e siècle, à plusieurs reprises, il se passait que les Xhosas, les Noirs surtout du Cap de l'Est, et les Afrikaners se liaient contre les Britanniques, contre les colons anglais, afin d'essayer de chasser les Blancs de la terre. Il y avait cette entente entre Noirs et Blancs. Parmi les groupements qui, plus tard, sont devenus des ennemis très violents, mais il y avait une sorte de reconnaissance du fait que ces deux, les Afrikaners et les Noirs, appartenaient à la même terre, étaient formés par la même terre et se sentaient loyaux envers ces territoires. Pour vous, romancier André Brink, l'histoire avec un grand H est finalement un formidable réservoir de personnages et d'histoire avec petit H. Et d'histoire. Oui, comment allez-vous puiser dans ce réservoir? Quelle est votre méthode? D'abord, écoutez, parce qu'il y a tant de narrateurs remarquables qui se trouvent toujours dans le pays. Il y en a beaucoup parmi les Afrikaners et certainement aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi les Noirs dans le pays. Et dès mon petite enfance, je m'apprenais à écouter les histoires qu'on racontait un peu autour de moi tout le temps, tout le temps. Et ensuite, j'avais eu la grande chance d'avoir comme maître d'école en histoire à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université des gens qui étaient vraiment, non pas seulement intéressés, mais passionnés par cette histoire et qui m'amenaient à lire de plus en plus ce qui était écrit, ce qui était accessible. Et de là, j'ai commencé à faire mes propres recherches. Je me trouve, depuis 15 ans au moins, je me trouve au Cap, où il n'y a pas seulement des bibliothèques remarquables, mais aussi les archives nationales qui constituent un trésor de manuscrits, de témoignages de toutes sortes à travers les 3 siècles et demi du colonialisme en Afrique du Sud. Et je sais, j'ai vu qu'il existe dans ces milieux-là un trésor inépuisable d'histoires qui attendent d'être racontées. Nous pourrions peut-être nous arrêter, André Brink, à l'un de vos romans très exemplaires de la place de l'histoire dans vos textes. Il s'agit de « Au-delà du silence », un texte publié en 2002 qui relate le parcours absolument terrible de ces femmes qui, au début du XXe siècle, entre 1910 et 1940, sont envoyées d'Allemagne vers l'Afrique pour assouvir les besoins des colons. Ces femmes-là sont de la chair expédiée par bateau. Et c'est une histoire absolument bouleversante autour d'une de ces femmes qui s'appelle Anna X. Oui, et c'est une histoire qui m'a bouleversée dès la première fois que j'ai l'entendue. Bien sûr, Anna X en tant que telle était inventée, elle est fictive. Mais son histoire, comme je le raconte à travers ce roman, cette histoire est basée sur des faits historiques parce que j'avais un ami qui habitait Windhoek, la capitale de la Namibie, et qui m'a envoyé au début quelques coupures des journaux sur cette histoire passionnante tirée de l'histoire Capital H. Et puis quand je lui ai dit « mais c'est remarquable ça, je dois en savoir plus », il a commencé à m'envoyer des centaines, des centaines, des centaines de pages de photocopies prises dans les archives de Windhoek. Là était toute la correspondance entre les autorités en Namibie qui s'appelait le Sud-Ouest africain à cette époque-là, et l'Allemagne, en Berlin, à Hambourg, à Berne et ailleurs. Donc il y avait toute cette correspondance, tous ces faits historiques qu'on ne pouvait plus ignorer. Et je me sentais poussé vers cette écriture parce qu'il s'agissait d'une histoire, dans tous les sens, capital et petit h, si passionnante, si affreuse, si remarquable, que je ne pouvais pas l'ignorer. Je me sentais obligé de l'écrire. Mais c'était en même temps une histoire tellement atroce que je ne savais pas comment l'aborder. Je ne voulais pas l'écrire. C'était tout simplement trop violent, trop terrible. Mais je savais en même temps qu'il me serait impossible de continuer de l'ignorer, de prétendre que je ne savais pas. Donc, encore une fois, comme avec l'écriture de Au plus noir de la nuit, mais surtout Une saison blanche et sèche, je savais qu'il fallait l'écrire, il fallait en faire un roman, afin que personne n'ait la possibilité de s'y... Ben, je ne savais pas. Oui, et la lecture de Au-delà du silence est une lecture absolument terrible. Et alors, je dois ajouter que ce qui est révélatrice, c'est que jusqu'à aujourd'hui, aucun éditeur allemand n'était prêt de le publier parce qu'on disait que c'était trop violente. Et pour un Allemand d'aujourd'hui, de rejeter un roman parce que c'est soi-disant trop violent, pour moi, c'est très riche. C'est très révélateur, effectivement. Bah oui. Et alors, vous superposez dans ce roman deux luttes, celle de ces femmes humiliées, bafouées, violées, défigurées, et celle des populations colonisées. Oui. Parce que les correspondances entre la situation des femmes en Afrique du Sud en général, parce que bien sûr, vous parlez ici d'Au-delà du silence, où il s'agit surtout d'une histoire qui se déroule dans la Namibie actuelle, mais c'est quelque chose qui s'est passé à plusieurs reprises et sous plusieurs formes en Afrique du Sud en général. La situation des femmes en Afrique du Sud démontre des correspondances remarquables avec la situation des indigènes. L'oppression des deux était allée la main dans la main pendant très très longtemps. Et je trouvais toujours assez pénible que quand on parlait de l'oppression en Afrique du Sud, on pensait immédiatement à l'oppression raciale qui s'imposait, surtout sous guise de l'apartheid. Mais il y avait toujours, et ça persiste maintenant, après la transition vers un système démocratique, il y avait toujours d'autres formes d'oppression dans ce pays-là. Et je crois que la plus importante de ces formes, c'était l'oppression des femmes. Ça continue dans toutes les communautés sud-africaines, parmi les blancs, parmi les noirs, parmi les métis, entre noirs et métis, entre noirs et métis, entre noirs et blancs. Et c'est donc quelque chose dont il faut se souvenir et qu'il faut se rappeler tout le temps afin d'essayer de changer cette situation autant qu'on a commencé à changer la situation de l'oppression raciale. Mais écoutez, je crois que vous êtes en train d'annoncer le sujet de l'émission de demain, donc je vous propose de nous en tenir là. Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Catherine Poinbert avec André Brink, enregistrée en 2006. Cette émission s'écoute en ligne pendant 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. France Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps des lectures. Tout l'été, nous prolongeons les entretiens avec des écrivains par des lectures d'une ou plusieurs de leurs œuvres. Ce soir et toute cette semaine, nous avons choisi de vous faire entendre des extraits des mémoires d'André Brink, publiés chez Actes Sud, sous le titre « Mes bifurcations ». L'auteur s'y exprime sur sa vie, sur son pays, narration et réflexion alternent. Peu à peu, il dessine l'histoire d'un Sud-Africain né en 1935 qui condamne les horreurs de l'apartheid comme les dérives du gouvernement actuel sans jamais s'affranchir de l'amour qu'il porte à cette terre qu'il n'a jamais quittée. Une réalisation de François Christophe. Mes bifurcations, mémoire d'André Brink. Page choisie par Michel Pomarède avec Jean Ocotrel. Deuxième épisode. Dans ses mémoires, l'écrivain André Brink exprime sa fierté d'être un descendant de Bourg, établi en 1652 au Cap pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Le Cap occupe une place particulière dans les souvenirs de l'écrivain. À la fois destination privilégiée de ses vacances familiales et lieu de rencontre avec le métissage des populations. L'homme noir se rapproche de l'univers de Brink avec la découverte des quartiers métis de la ville. Des métis qui, comme lui, parlent l'afrikaans, une langue où s'entrechoquent des mots venus d'horizons différents. Afrikaans, en hollandais, veut dire « africain », tout simplement. Pendant toute mon enfance, les lieux n'ont cessé de changer. De façon déconcertante, chacun se fond dans l'autre. Vredeux, Jagersfontein, Brits, Douglas, Sabi, Lidenburg, Potchefstroom, Bottaville. Nouvelles têtes, nouveaux amis, nouveaux maîtres, nouvelles écoles, nouveau tout, environ tous les 4 ans. Mais un lieu demeuré auquel nous pouvions retourner comme vers un foyer de substitution à la fin de chaque interminable année scolaire, le Cap, Cape Town. Mais j'hésite encore à expliquer l'attrait que cette ville exerce sur moi. Un amour qu'on peut expliquer n'est pas un amour. Mon amour pour le Cap s'étend à la fois à la ville et à sa région. Mais il s'étend aussi à des vies, la mienne pour commencer, et à la biographie de la ville depuis ses balbutiements avec ses troupeaux de moutons à queue épaisse et de bovins à longues cornes paissant au bas des pentes de la montagne de la Table sous la surveillance de bergers couasses, aux signes agressifs du début de l'âge mûr avec ses panoramas contemporains de gratte-ciel, ses voies rapides et ses échangeurs dont l'un reste stoppé abruptement en plein envol, ses panneaux, ses embouteillages, ses aspirations de béton, ses échecs et certes quelques rares succès architecturaux, ses hôpitaux, ses immeubles résidentiels, qui sont comme des excroissances malignes, les nuées brunes de la pollution urbaine. Même si j'ai passé mon enfance dans un chapelet de communes modestes de l'intérieur des terres, profond et brun, le Cap a toujours figuré pour moi en toile de fond, veillant telle une énorme mère poule sur mes jeunes années. Au début des vacances d'été, tous les ans, nous nous entassions dans la Hudson 1938 de mon père et filions vers le sud. Quand nous ne prenions pas la voiture, nous prenions le train. Voir le monde autour de soi s'estomper sous le ciel embrasé par un feu crépusculaire, dans le carreau, le paysage s'assombrissant mystérieusement, jusqu'à ce qu'il ne restât que le bruit du train dans le silence et l'immensité, et le chatoiement du firmament tout là-haut, puis se réveiller à l'aube d'un nouveau jour et voir combien tout a changé, changé du tout au tout, de la rude immensité de l'intérieur à la luxuriance des montagnes bleues et des vallonnements des vignobles verdoyants de la chaîne des Bollandes. On aurait dit que le monde avait été réinventé en une nuit, transformé en une nouvelle, merveilleuse et enivrante expérience visuelle, auditive et olfactive. On était débarrassé de l'année juste passée comme de la mue d'un serpent. Fini le quotidien domestique, les trimestres scolaires, les visages familiers, effacés pour révéler sous la surface l'inédite et lumineuse qualité des vacances que le reste de l'année n'a pas et qui regorge d'indicibles opportunités. Ce mois passé chaque année dans la province du Cap-Occidental fut l'unique point d'ancrage de ma jeunesse. C'était l'unique lieu de mon enfance, où tous les fils et filaments épars de nos vies étaient rassemblés, et où, de loin en loin, nos familles des deux côtés se réunissaient et se mêlaient plus ou moins. Chez Oupa, grand-père, il n'y avait pas assez de place pour que tout le monde vienne au même moment, mais nous étions toujours assez nombreux pour que l'atmosphère soit à la fête. Comme j'étais le plus âgé des petits-enfants, j'avais souvent le privilège de dormir avec les grands-parents, dans leur chambre, sur un matelas étroit à rayures fourré de feuilles de maïs, qui faisait un tel raffut quand on bougeait qu'il était difficile de s'endormir. Le temps que nous passions à Malmesbury était truffé d'aventures dont une grande partie découlait spontanément des interactions d'une telle tribu de cousins. On avait le choix entre le garde-manger d'Uma, grand-mère, véritable caverne d'Ali Baba, dans la mesure où l'on ne jetait jamais, jamais rien dans cette maison, et le jardin d'Upa, où les poulets grattaient la terre, où les dindes se pavanaient, où les canards musqués chointaient. De ce jardin sortait une provision inépuisable de légumes et de fruits qui se retrouvaient sur la table monumentale où l'on tenait aisément à 18 ou 20, et même lors d'occasions particulières, 24. Sous le plateau de cette table, mon père avait gravé son nom, lorsque, en qualité d'aîné, il avait été convié à faire son choix parmi les meubles de famille. Hélas, des parents peu scrupuleux, arrivés les premiers à la mort d'Uma quelques mois après celle d'Upa, emportèrent tout ce qui leur plaisait avant que quiconque ait pu revendiquer son dû. Quand nous n'étions pas à la maison ou dans ses environs immédiats, c'est que nous étions en pique-nique, dans un site ombragé du village, le cimetière par exemple, ou alors nous nous rendions dans une propriété de la campagne voisine où nous attendaient d'autres plaisirs champêtres. Et bien sûr, très rarement, mais de façon inoubliable, il y avait nos excursions le samedi sur les flancs de la montagne de la Table. Moments bruyants interrompus par de bons et profonds silences, le tout baignant dans la torpeur de la région du Swartland, surtout en fin de saison. Un jour venait où quelqu'un nous emmenait à la gare du Cap et nous mettait dans le train du retour, lequel nous entraînait dans les abîmes de la nuit, vers la flamboyante explosion d'une nouvelle aube à l'intérieur des terres. J'emménageais enfin au Cap en 1991, après que l'université du Cap me trouvait une niche, même si cela signifiait de passer d'une section africaine et hollandaise où j'enseignais depuis 30 ans à une section anglaise, j'eus vraiment l'impression de pénétrer plus profondément en moi-même. Nulle part ailleurs, je ne me sentais plus naturellement chez moi. Cette conscience-là fut révélée par les exubérantes voix de l'aube dans le port du Cap. Bavardages ou cris de manœuvre, qu'on n'appelle toujours pas par leur nom. On ne dit d'ailleurs même pas de couleur, mais dit de couleur. Un peuple qui commença à émerger environ 9 mois après l'arrivée des premiers colons hollandais, lesquels apportèrent avec eux le drapeau de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, plusieurs dialectes et une branche très primaire de l'intégrisme calviniste, bientôt fortifié par le tout aussi grand intégrisme de huguenots français. Quel dommage, ai-je souvent pensé, que lorsque la France décida de se décharger sur nous de certains de ses citoyens, ceci n'ait pas été plus représentatif de la majorité catholique, sans oublier au moins une poignée de païens et d'athées sur le modèle voltairien. Quoi qu'il en soit, on demanda aux hardis hollandais de planter un jardin en vue de l'approvisionnement des navires de passage, de mater les franges de l'Afrique sauvage et d'introduire dans ces parages le métissage comme sport national. Il n'y avait rien d'homogène dans la nouvelle génération d'habitants du Cap, que l'on connaissait davantage alors sous le nom d'Afrikaners, sauf peut-être les nombreuses nuances de brun qui séparent le noir du blanc. qu'il est approprié, qu'il est emblématique que le nom même d'Afrikaner ait été forgé en opposition à la classe dirigeante comme un signe d'hérésie. En 1707, le Landdrost, le préfet, tenta de réduire au silence le jeune Hendrik Bibo, qui, indiscipliné et aviné, bambochait dans les rues de Stellenbosch pour célébrer le rappel en Hollande du très honni gouverneur Willem Adrien van der Stel. Le jeune homme répliqua « Je ne partirai pas. Je suis Afrikaner. Même si le Landdrost me bat à mort ou me jette en prison, je refuserai de me taire. Non, je ne me tairai plus jamais. » Très vite, la langue devint une marque de différence. S'essayant à parler la langue des maîtres, c'est-à-dire le néerlandais, les Bredis, peuple indigène et esclave venu d'ailleurs, d'Indonésie, de Malaisie, de Malabar, de Madagascar, du Mozambique, d'Amboine et d'Angola, la transformèrent en un idiome nouveau, une invention locale, bientôt connue sous le nom d'Afrikaans. Pendant un siècle et demi, elle fut la marque distinctive des gens du cru, de la sous-classe en grande partie métisse, qui parlait un patois que d'autres traitaient de « hollandais de cuisine ». Ce fut à la fois la force et la faiblesse de ce groupe social. Faiblesse parce qu'il était aisé de le reléguer ainsi aux marges de la bonne société, force parce que la langue resterait identifiée aux démunis et aux opprimés, et que plus tard la nouvelle Afrique du Sud croîtrait à partir de ces racines-là. Vers la fin du XIXe siècle, la langue fut hélas détournée et transformée en outil politique par une bande de blancs décidés à défier la domination britannique et hollandaise au Cap. Lorsqu'au prix d'humiliations et de tribulations révoltantes, ils parvinrent au pouvoir, l'Afrikaans devint à son tour la langue du pouvoir et de l'oppression, la langue de l'apartheid. En même temps, la communauté des gens de couleur continua de parler l'Afrikaans, car c'est à travers lui qu'elle parvenait à exprimer son humanité et en temps voulu sa résistance. Quelle pitié donc que lorsque fut élu démocratiquement un gouvernement de majorité noire, l'Afrikaans ait continué à être soupçonné d'être un instrument de pouvoir, alors que sa longue association avec les plus démunis des gens de couleur continuait à être en grande partie ignorée par une grande portion de la nouvelle élite. Plus triste encore, le fait que le nouvel establishment refuse de reconnaître ceux qui ont assuré la survie de l'Afrikaans, d'abord face au bataillon du pouvoir politique et militaire, puis contre les pirates qui tentèrent d'établir un nouveau langage de domination. Autrefois, ils étaient jugés trop noirs pour être admis dans le lager, l'enceinte du pouvoir. Aujourd'hui, hormis en période électorale, lorsque leurs votes sont utiles, ils sont souvent jugés trop blancs pour être acceptés comme des concitoyens à part entière. Or, en Afrique du Sud, il n'est pas un être de couleur, homme, femme ou enfant, dont on ne puisse faire remonter l'ascendance jusqu'à un acte initial d'abus de pouvoir, littéralement à un viol. La chose est vraie aussi de l'histoire des premiers temps de l'esclavage aux États-Unis. C'est la blessure originelle, dans la terminologie du grand critique des récits d'esclaves, Ashraf Rushdie. Cette plaie suppurante dans la conscience collective de l'Afrique du Sud n'a pas encore été convenablement exorcisée. Aucun régime ne s'y est confronté. Le Six, le quartier malaisien sur le flanc de Lion Trump, la croupe du lion, voilà à mes yeux le vrai Cape Town. Sa façon indomptable, bruyante, rebelle d'affirmer son altérité hérétique, de dire non pas seulement à l'apartheid, mais à tout ce qui a tenté de domestiquer et d'inhiber son humanité, sa liberté sauvage, positive, son rire, sa compassion. Et aussi sa façon extravagante et jubilatoire de dire oui à la vie. Un oui d'autant plus remarquable qu'il dut traverser de longues ténèbres pour retrouver le soleil. L'esclavage conditionna une bonne partie de ces ténèbres, les ténèbres qui confèrent relief et contour au paysage émotionnel et moral du Cap. Longtemps, les historiens blancs entretinrent l'illusion qu'avait existé au Cap une forme relativement bénigne d'esclavage depuis 1658, date de l'arrivée des premiers hommes, femmes et enfants captifs, jusqu'à l'abolition de cette pratique barbare en 1834. Nous savons aujourd'hui que l'esclavage était à la fois beaucoup plus répandu, beaucoup plus violent et beaucoup plus varié qu'on ne le prétendait naguère. Même lorsque, en 1982, à l'occasion de la parution d'un turbulent silence, j'écrivis un article sur la révolte des esclaves dont le roman était inspiré, Argus publia une lettre furibonde et sarcastique d'une lectrice qui trouvait que c'était une perte de temps d'écrire sur le sujet à notre époque, puisque, prétendait-elle, l'esclavage n'avait pas vraiment laissé sa marque en Afrique du Sud. Son attitude était l'exacte démonstration de ce qui avait mal tourné dans la race sud-africaine et dans les relations interpersonnelles, en droite ligne des arguments développés par les propriétaires d'esclaves au Cap en 1830. Pendant trop longtemps, les historiens de l'apartheid ont couvert les cicatrices de cette pratique inique en avançant que l'Afrique du Sud avait institué une forme particulièrement bénigne d'esclavage. Cette théorie est contredite par une abondance de preuves. Au Cap, le châtiment des esclaves commençait avec ce qu'on appelait les pratiques douces. Il s'agissait de couper le nez, les oreilles ou les chevilles, jusqu'à ce que l'esclave connaisse une longue agonie, prolongée quelquefois jusqu'à 6, 8 ou 12 jours, l'esclave restant attaché à la roue après avoir eu tous les membres brisés ou empalé sur un long bâton remonté dans l'anus et ressortant à la nuque, quand il n'était pas écartelé par 4 chevaux. En mars 1725, les instigateurs de l'unique rébellion manquée d'esclaves du Cap furent pendus et ou torturés au même endroit. Parmi eux, le jeune Gallant, coupable d'avoir tué 2 fils van der Merwe, Nicolas et Barent, aux côtés desquels il avait grandi. Ce ne sont là que des histoires d'esclaves du Cap, parmi tant d'autres, qui font que la ville est ce qu'elle est. Il y en a tant qui attendent d'être racontés, dont l'émouvant récit du séduisant esclave Titus du Bengale, accusé en 1714 d'avoir eu une relation avec sa maîtresse blanche Maria Mouton et tué son époux Franz Joosten sur son instigation. Maria fut d'abord quasiment étranglée, mais pas tout à fait, brûlée et enfin soumise au supplice du garrot jusqu'à ce que mort s'en suive. Titus fut empalé. On le laissa mourir avant de lui couper la tête et la main droite, qu'on exposa sur un poteau dans la propriété de son maître. Les souvenirs persistent, tels les formes indistinctes de poissons dans une mare boueuse, fantômes qui n'ont pas encore trouvé le repos. Guère surprenant dans ce cas que le Cap soit une cité de fantômes, d'ombres, de spectres, de revenants. Où que l'on aille, on entend des histoires de lieux hantés, dont bon nombre sont répertoriés brillamment dans un essai de Wilhelmine Brumer, arrière-petite-fille de l'un des plus célèbres auteurs d'histoires de fantômes en Afrikaans. De nos jours, le sévère château est le point de départ de ce genre d'exploration. Un autre lieu recherché est Slave Lodge, au sommet d'Adderley Street. De nos jours, l'endroit est plutôt imposant, alors que naguère il était lugubre. Des fonctionnaires influents de la compagnie hollandaise des Indes orientales et de robustes bourgeois y bénéficiaient d'heures de visite pour assouvir leur luxure réprimée et faire des enfants aux femmes esclaves, de façon, précisait-on avec une vertu toute calviniste et un sens du devoir tout patriarcal, à améliorer la qualité du cheptel d'esclaves dans la colonie. Les fantômes désignent une évidence. Ici, passé et présent ne sont pas opposés, pas même les termes d'une juxtaposition. Non. Le passé est dans le présent. Certains lieux du Cap exudent une sensation d'intemporalité. Les musées entrent tout naturellement dans cette dimension. Dans mon enfance, il n'existait que le musée des Gardens, où je passais des heures à croquer dans un petit carnet tous les mammifères empaillés. Ensuite, je contemplais les bochimans dans leurs vitrines, persuadé qu'eux aussi étaient empaillés et qu'on les avait mis dans des postures d'un réalisme troublant. Néanmoins, il n'est pas au Cap de monument plus intemporel, plus massif et majestueux que la montagne de la Table. L'exquise terreur ressentie lorsque, enfant, on monte pour la première fois dans le téléphérique, la fierté que nous éprouvions lorsque quelques garçons parmi nous, réussissant à tromper la surveillance de leurs parents, nous pissions dans le précipice et observions la fine écume s'évaporer dans le vent. Le port avec ses navires, ses grues et ses promesses de départ vers les pays les plus éloignés du globe. Bien que l'on sache que le cap Agulhas plonge plus au sud dans l'océan que ce grêle coccyx du continent, on croit vraiment se trouver aux confins de la terre, point de rencontre de deux océans rageurs, l'un chaud, l'autre froid, où tout se réduit aux éléments, terre, air, roche, et parfois l'été, le feu aussi. Sur des milliers de kilomètres, aucun obstacle ne se dresse entre notre incertain ici et maintenant et le lointain, le glacial Antarctique. Toutefois, le Cap n'est pas un assemblage de quartiers, de monuments, de sites et de lieux historiques. C'est une entité créée par ses habitants, concrétion fidèle à la sociologie d'Auguste Comte, de tous ceux qui sont passés par là, de nous tous qui y sommes maintenant et de ceux qui sont encore à venir. Les pionniers, les grands hommes, les battants, les illustres, certes, mais aussi et surtout les hôtes de l'ordinaire, les terre-à-terre, les quelconques. Ce sont tous ceux-là qui, innombrables, anonymes, assurent la survie du Cap. Sans oublier ceux qui ont porté mon nom, des premiers Andreas Brink débarqués de Woerden en Hollande après une migration antérieure du Danemark, et plus avant encore, jusqu'à l'aube de l'humanité, jusqu'à un certain jardin hanté par un homme, une femme et une pomme qui devrait plutôt être une figue. Les traces de l'histoire se mêlent à celles de notre famille, histoire privée, quelquefois fière mais souvent infâme. Des hommes qui cultivaient des vergers, des hommes qui violaient les esclaves afin de planter une nouvelle nation brune sous le soleil. Ceux dont les noms figurent dans les manuels d'histoire et ceux qui ne survivent que dans les mémoires. Toute une adolescence tient dans une poignée de souvenirs. L'histoire de toute une nation dans une ville au pied d'une montagne, belle et hideuse, danger et cocon, déconcertante et rassurante. Cape Town, le cap, le plus beau cap à la surface de la Terre. C'était Ma bifurcation, mémoire d'André Brink. Page choisie par Michel Pomarède, avec Jean Ocotrel et Anne Caillère. Prise de son et mixage, Jean-Louis Deloncle. Assistance technique et montage, Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Réalisation, François Christophe. Mes bifurcations a été traduit de l'anglais par Bernard Turle et est publié chez Actes Sud.